Alors, c'est cours écoute anthropologique du 5 décembre 2015. Voilà, c'est ça. Donc, je vous disais que je reviens de voyage. J'ai beaucoup travaillé pendant ce voyage. Qui avait pour but là de me laisser suffisamment d'isolement pour réfléchir et écrire. Et donc je vais vous faire part en partie de ce que j'ai pu écrire pendant ce voyage-là. Les événements en France ne vous ont pas perturbé dans votre concentration? Un petit peu, oui. J'imagine, peu, parce que ça se devait se ressentir. Oui, c'était extrêmement émouvant tout ça, vraiment. Mais vous avez quand même réussi à produire ce que vous vouliez. Ouais, j'ai pas été jusqu'au bout de ce que je cherchais à produire, mais je fais un bon bout de chemin, c'est déjà pas mal. C'est ça, en fait, si je veux un petit peu reprendre ce dont on a parlé précédemment, la dernière fois, au fond, on a essentiellement parlé de totem et tabou et de l'animal totémique. L'animal totémique a été un petit peu mon cheval de bataille. Pendant des années, j'ai réfléchi à cette question qui me paraissait vraiment très importante. Et cette réflexion n'a pas été vaine puisque, à la longue, je me suis rendu compte que ce concept d'animal totémique faisait le shift, mettons, entre la psychanalyse telle qu'elle est conçue à l'heure actuelle et ce que moi je venais ajouter ou modifier à la théorie psychanalytique. Ça se situe au niveau de la question de l'animal totémique. C'est là que se situe essentiellement l'axe du changement, si vous voulez. Alors, comme vous le savez sans doute, pour Freud, l'animal totémique est la preuve que il y a eu dans le passé un événement qui est le meurtre du père de la Horde. Non seulement le père de la Horde a été tué, mais de plus, il a été mangé. Et l'animal totémique est là pour témoigner de cet événement, pour le ritualiser, pour le répéter, sous la forme, d'abord d'une inhibition à la chasse de l'animal totémique, on n'a pas le droit de le chasser, et deuxièmement, au repas totémique, c'est-à-dire que le repas totémique vient ritualiser l'événement de la dévoration du père de la Horde. Donc le repas totémique, c'est un moment important dans la collectivité des membres du totem. Ce moment important, c'est ce moment où ils peuvent manger l'animal totémique, ce qu'ils ne peuvent pas faire en d'autres temps. Très bien. Alors, Moi, j'arrive là-dedans et je dis, oui, d'accord, mais c'est peut-être pas forcément comme ça que ça se passe. Et je dis, au fond, l'animal totémique, c'est peut-être tout à fait autre chose. C'est peut-être un embryon de ce que on pourrait appeler une unité de valeur. Et que cet embryon d'unité de valeur est là pour favoriser les échanges à l'intérieur du groupe totémique. C'est un fait connu de l'anthropologie que dans une économie d'échange, à un moment donné, au lieu qu'il y ait seulement du troc, il y a un moment où il se dégage une unité de valeur, une unité monétaire. Bon, ça peut être n'importe quoi, ça peut être un collier de coquillages dans les Antilles, ça peut être des paniers d'osier en Afrique, ça peut être virtuellement n'importe quoi de suffisamment fréquent dans la zone en question. Hein, on ne peut pas avoir une unité de valeur monétaire avec un objet qui est trop rare dans une région. Il faut vraiment qu'il soit suffisamment répandu. C'est la première condition. Et la deuxième condition, c'est que il ne faut pas qu'il soit consommé avec régularité, sinon il deviendrait rare, justement. Hein. Bon, on peut prendre l'exemple d'une économie de guerre, par exemple en Allemagne, après la Première Guerre mondiale, le mark allemand s'est écroulé et on ne pouvait plus faire d'échange. Et l'unité monétaire qui a émergé à ce moment-là, c'était le paquet de cigarettes ou la cigarette. Alors, bon, c'est sûr que ces cigarettes, pour qu'elles puissent servir d'unité monétaire, il était recommandé de ne pas les fumer. Hein, et celui qui avait des cartouches de cigarettes avec lui, c'était pas parce qu'il était fumeur, ni parce qu'il était contrebandier, c'était juste parce que il avait accumulé une certaine quantité de valeur qui s'exprimait en cartouches de cigarettes. Vous voyez? Donc, dans cet univers spécifique-là, qui est l'Allemagne de la Première Guerre mondiale, la cartouche de cigarette devient une unité monétaire. Une autre condition pour qu'un objet devienne une unité monétaire, c'est que ce soit un objet parmi d'autres. Sauf que de l'ensemble des objets, il émerge tout à coup comme unité monétaire. Mais à l'origine, il est un objet comme les autres. Et ce n'est que dans certaines conditions que il émerge comme unité monétaire. Donc, on a comme ça un ensemble de conditions pour qu'un objet devienne une unité monétaire, c'est que il ne soit pas trop rare, qu'il soit un objet, donc qu'il soit consommable, mais que par la même occasion, il ne soit pas consommé. Consommable, mais pas consommé. Et suffisamment répandu. Ça demande avec quoi? Ça peut être justement n'importe quel objet dans une zone géographique donnée, dans un système d'échange donné. J'ai l'impression que c'est dur de trouver l'objet rare. J'essaie de Donc, trouver un pas exemple. rare. Objet rare. Ah, Oui, les paniers. c'est ça, les Ah, puis paniers, des les trucs colis. bien simples. Oui, il n'y a rien d'extraordinaire. On Des peut. trucs qui permettent, dans le fond, le troc. Et qui viennent incarner la valeur. Bon, c'est sûr qu'en même temps, une autre condition, c'est qu'il ne faut pas que cette valeur que j'accumule se détériore par elle-même. C'est-à-dire, il ne faut pas que l'objet en question soit, je sais pas, de la viande rouge, par exemple, que je ne peux pas accumuler pendant un certain temps. Hein? Il faut donc que ce soit un objet qui dure sans se détériorer pendant longtemps. C'est pour cette raison que l'or est devenu le symbole de la valeur, parce que justement, il ne se détériore pas, d'une part, et il n'est pas trop rare. Hein? On n'a pas pris le platine ou je sais pas quoi, ou des métaux extrêmement rares. On a pris l'or, bon, qui n'est pas très répandu, mais en même temps qui n'est pas très rare. Et il a cette propriété, c'est de ne jamais s'oxyder. Et donc, il reste dans l'état où il est pendant des millénaires, les objets qu'on a découverts de l'Égypte pharaonique sont en parfait état, même aujourd'hui. Bon, alors, revenons à l'animal totémique et voyons en quoi cet animal totémique peut devenir une unité de valeur. Bon, n'oublions pas que dans les économies, entre guillemets, de ces tribus primitives, les échanges sont mixtes, c'est-à-dire que il n'y a pas des réseaux d'échanges différenciés. D'une part, l'échange des femmes, d'autre part, l'échange des objets, d'autre part, les objets rituels, etc. Bon, tout ça est imbriqué, on peut échanger n'importe quoi contre n'importe quoi. Ce sont des économies encore embryonnaires, mettons. Alors, l'animal totémique arrive là-dedans. La première condition, c'est que il faut pas qu'on le consomme. Hein? Alors, il y a une inhibition qui est propre à l'animal totémique, qui est reconnue par les anthropologues. Il y a un animal particulier qu'on ne consomme pas. D'autre part, cet animal totémique, on le consomme uniquement lors de repas totémiques. Bien. Alors, là, j'ai opéré, si vous voulez, une distorsion. Ce que les anthropologues disent, l'animal totémique est interdit à la consommation, il y a une inhibition à la chasse de l'animal totémique, et cette inhibition est levée au moment du repas totémique. Ça, c'est ce que les anthropologues disent. Donc, dans leur idée, il y a une interdiction généralisée de la chasse de l'animal totémique. Tout le monde est privé du droit de chasser cet animal. Donc il y a comme une loi générale qui s'impose à tout le monde. Alors moi je suis intervenu et j'ai dit non, ce n'est pas possible. Il n'y a pas de loi à ce moment qui s'applique à tout le monde. C'est plutôt un interdit pour soi, c'est-à-dire que l'animal totémique, je ne suis pas à l'aise de le chasser. Donc c'est une une règle, si vous voulez, particulière. Ce n'est pas une règle générale. Une règle plus personnelle, mais c'est ça. Que collective. Voilà, c'est ça. Et au moment du repas totémique, cette règle continue de s'appliquer. Le repas totémique n'est pas une exception à cette règle. Pourquoi? Parce que moi, je ne peux pas consommer l'animal totémique que moi j'ai chassé, mais mon voisin peut, lui, consommer l'animal totémique que moi j'ai chassé. Donc si je le lui donne, il peut le consommer. En revanche, si lui me donne celui que lui a chassé, je peux le consommer. Vous voyez? Donc, le repas totémique, quand on conçoit la règle de cette façon, n'est pas une exception, un moment exceptionnel où la règle ne s'applique plus. Non, elle continue de s'appliquer, mais dans des conditions où l'échange permet que je peux consommer l'animal. Voilà. Et donc, si vous voulez, l'animal totémique apparaît comme ça, comme une unité monétaire qui sera l'embryon de toutes les unités monétaires qui vont suivre pour les siècles à venir. Pourquoi? Parce que quand j'ai un billet de 100 dollars dans la poche, je ne peux pas plus le consommer que je ne peux consommer l'animal totémique. Donc, je dois obliger de le donner à quelqu'un et que ce quelqu'un me donne quelque chose de consommable. Donc, vous voyez que le billet de banque respecte les mêmes conditions que celles de l'animal totémique. Très bien. Voilà à peu près, si vous voulez, où nous en sommes. Peut-être un dernier point, c'est que les anthropologues, et Freud en particulier, se sont demandé comment on pouvait en arriver à s'interdire de consommer ou de chasser l'animal totémique. Et la réponse qu'ils se sont donnée, c'est une raison historique. Il y a eu un meurtre et une consommation originelle qui a été considérée comme répulsive. Et le totem représente comme ça la trace historique de cet événement. René Girard, qui est un auteur, un anthropologue aussi, parle d'une formule comparable quand il parle du bouc émissaire. Le bouc émissaire, c'est un animal qu'on tue et qu'on consomme avec férocité à un moment donné, et cette espèce de férocité engendre un repli coupable, si vous voulez, un reflux comme ça coupable. Chez René Girard, le bouc émissaire ne devient pas animal totémique, mais bon, il reste le symbole d'une unité retrouvée du groupe qui a opéré ce crime. Voilà. Alors, maintenant, nous allons aborder un système dans lequel les objets échangés ne sont pas détachables du corps. C'est-à-dire, on va essayer de concevoir une économie dans laquelle il y a des échanges, mais des échanges avec des objets dont on ne peut pas se détacher, des objets partiels. Hein. Les économies d'échange de l'enfant et de sa mère avant la phase phallique, où l'objet est partiel. Qu'est-ce que c'est un objet partiel? C'est un objet qui n'est pas détachable de la personne qui l'offre à l'autre. Hein, je te l'offre, mais je ne peux pas m'en détacher. C'est ça la problématique de l'objet partiel. Alors. J'essaie de voir comme en dehors de la sexualité ou de l'allaitement, c'est quoi qu'il y aurait d'autre là? Alors, c'est ça qu'on voit pas. Et c'est ça qui est tout à fait fascinant, c'est qu'il y a un objet qui est très très très important dans notre vie et qui reste éternellement un objet partiel, c'est notre image du corps. On ne peut pas s'en détacher, même si on doit continuellement l'offrir au regard des autres. Puis qu'elle se modifie. Qu'elle se modifie, oui, éventuellement. De l'évolution. Voilà, elle se modifie aussi, effectivement. Donc, on va parler de l'échange des regards, si vous voulez. Aujourd'hui. Tout ceci ayant, tout ce que je viens de dire étant comme une sorte de résumé de ce qu'on avait vu dans les séances précédentes. Donc, je vais me contenter ici d'appliquer les règles logiques que je me suis déjà données à l'échange des regards. En commençant tout de suite par ne pas oublier qu'à l'origine, nous sommes des animaux et que dans le chemin de notre hominisation, nous sommes passés par l'esclavage et que peut-être y sommes-nous demeurés plus longtemps qu'on ne l'imagine. Mais n'allons pas trop vite. Pour commencer, une réflexion sur le regard, il vaut mieux commencer par là où le regard est le plus utile à la survie lors de la chasse. Et lorsqu'on parle de chasse, il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas si longtemps encore, nous étions des anthropophages et que par conséquent, la chasse portait tout autant sur les animaux que sur le frère humain. Il n'est pas exagéré de remonter aussi loin puisque, nous l'avons vu, la dévoration est une alternative à l'échange. J'ai assisté récemment à un documentaire portant sur l'anthropophagie en Nouvelle-Guinée. On y voyait des gens faisant semblant d'être encore anthropophages alors qu'ils ne l'étaient plus depuis un certain temps. Prétendait-il. On peut supposer qu'il tenait ses propos dans le but de rassurer l'anthropologue et ne semblait pas tout à fait convaincu. Toujours est-il qu'ils ont entrepris de simuler pour l'œil de la caméra qu'il l'était encore en s'appropriant de façon fictive d'un enfant d'une tribu voisine qui s'était aventurée hors du territoire de sa tribu afin de le dévorer collectivement. Les cas d'anthropophagie sont variés, dévoration rituelle de cadavres, dévoration du cœur d'un ennemi. Ce qui mérite notre attention ici, c'est le fait que l'anthropophagie peut avoir lieu dans une situation de chasse. Il nous est dès lors possible de commencer notre raisonnement sur l'échange de regards à partir de ces situations de chasse anthropophagique. C'est le plus haut qu'on puisse remonter dans la genèse du regard. Le corps est ici non seulement susceptible d'être l'objet du regard d'autrui, mais aussi de sa prédation. On ne peut être plus objectivé par ce regard dévorant. Face à ce danger décisif, déjà les animaux, mais aussi bien les humains, découvrent rapidement l'art de tromper l'attention du prédateur. Ainsi hameçonné, on pourra manipuler le prédateur dans la perspective voulue. Soit se protéger de lui comme prédateur, soit au contraire, le stimuler dans une perspective sexuelle. Hein? Toujours est-il que la distinction entre le corps propre et l'image qu'on peut lui en donner est très précoce dans l'évolution. L'image produite reste alors collée à la peau de l'animal ou de l'humain et ne peut s'en détacher, même si elle lui sert d'instrument pour contrôler le prédateur. Ce dernier ne peut se l'approprier et en faire usage pour lui-même. Je ne peux pas voler l'image de quelqu'un, en principe. Au regard de cette image, le prédateur sera toujours un prédateur et la proie sera toujours une proie. La situation ne peut pas changer. Il y a une dissymétrie dans ce rapport quand l'image est concernée. Tant que l'image ne devient pas détachable, elle ne peut rentrer dans le cycle de l'échange. Elle a un caractère essentiellement dissymétrique. Si l'image que l'on se donne n'est pas encore détachable, elle peut néanmoins être contrôlable. C'est l'image narcissique que l'on se donne et qu'on peut moduler en fonction des circonstances et qui sert à se protéger des dangers. On ne s'aperçoit de l'importance de cette image qu'à partir du moment où elle a failli à sa fonction et qu'un prédateur a effectivement franchi la barrière qu'elle représente. Sans doute ne lui a-t-elle pas inspiré le respect escompté. L'importance de cette barrière imaginaire se mesure autant aux dégâts que son franchissement peut provoquer qu'aux difficultés qu'il y a à la reconstituer lorsqu'elle a été percée. Ici, les exemples cliniques sont très nombreux de cas de traumatisme où l'image narcissique est écornée. Le traumatisé est atteint dans son intégrité narcissique et entretient un lien privilégié avec son prédateur. Le lien a une très grande constance et semble extrêmement profond. Tout se passe comme si le traumatisé est soumis à la volonté du prédateur, contrairement à sa propre volonté, et se trouve totalement incapable de s'y soustraire. Associé à cette soumission, on trouve toujours l'idée d'immobilité et souvent l'idée de dévoration. Le prédateur n'est pas forcément clairement identifié dans ces circonstances. Il est plutôt une sorte de volonté régulière et constante qui force le traumatiser vers l'immobilité. Quelquefois, cette immobilité est celle de la proie qui, terrorisée, s'attend à être dévorée. De plus, la clinique le démontre souvent, il y a une fidélité au prédateur qui a un caractère difficilement réversible. C'est cet aspect extrêmement intrigant qui avait permis, du reste, de découvrir et de mettre en valeur le phénomène du trauma. Le sujet reste soumis à la volonté du prédateur, en dépit des souffrances que celui-ci lui inflige. Cette soumission ne tenant aucun compte de la recherche du plaisir que l'on peut légitimement supposer chez tout humain. Donc il y a un oubli de l'idée de plaisir. C'est dans l'au-delà du principe de plaisir que Freud a élaboré le problème. Nous serions peut-être aujourd'hui en mesure de faire un pas de plus dans sa compréhension. Près d'un siècle plus tard, le trauma apparaît comme le franchissement de la barrière de l'image narcissique par le prédateur. Il aurait dû, en principe, dévorer le sujet, mais s'en est abstenu à la dernière minute, puisque notre sujet est encore vivant. Il le tient donc sous la menace constante de la mort et a eu jusqu'à présent la générosité, entre guillemets, de ne pas achever son geste. Notre sujet lui est donc redevable de la vie, dans le plein sens du terme. Il est en dette de la vie à l'égard de son prédateur. Il ne peut rien lui refuser. Il est littéralement son esclave. Est-ce qu'on pourrait comparer ça comme à l'identification à l'agresseur de Mélanie Klein, ce bout-là? Ben, c'est-à-dire que l'identification à l'agresseur est une des réactions possibles face au fait d'avoir été agressé. Bon, il y a l'autre possibilité qui est celle d'être traumatisé et de rester dans la soumission à l'agresseur. Advenant justement que le sujet ne dispose d'aucun objet qu'il puisse donner, il en vient être tenu de donner sa vie en esclavage pour éponger sa dette. Qu'il manque d'objets ou qu'il manque d'images narcissiques ou de persona, comme disaient les Romains, le résultat est le même. Il doit donner sa vie en gage. Manquer d'objets ou manquer d'images revient dans les deux cas à manquer de valeur. Il faut alors se donner comme garant, se donner comme ultime façon de donner. Peut-être, si vous voulez, qu'on pourrait ici dire que le traumatisé, c'est celui qui n'a pas de valeur, mais qui incarne la valeur pour les autres. C'est ça qui est important. Il se donne au système, mais lui-même n'a aucune valeur. Donc, on fait ici de la psychologie de l'animal totémique. C'est-à-dire, on se met dans la peau de l'animal totémique qui incarne la valeur pour les autres, mais lui-même n'en a aucune. Il importe de signaler ici une conjonction surprenante entre, d'une part, l'animal totémique où la prédation est suspendue, et d'autre part le traumatisé dont la prédation a également été suspendue in extremis. On pourrait dire, pour résumer la comparaison, que le traumatisé est l'animal totémique de son agresseur. Le traumatisé est l'animal totémique de son agresseur. Avec l'animal totémique, on assiste à l'émergence de la valeur d'échange qui permet de solidariser des groupes entre eux en se structurant dans un rapport d'échange mutuel dont les potentialités de croissance sont importantes grâce à l'animal totémique. Parce que l'animal totémique favorise les échanges du fait qu'il incarne la valeur des objets, si vous voulez. Avec les traumatisés, de la même façon, la menace de dévoration déploie un nouveau mode d'énergie autrement plus intense que celui du plaisir, l'énergie de jouissance. Cette énergie provoque des remous importants dans le corps du traumatisé. Dans un premier temps, le traumatisé a une grande valeur pour son prédateur inhibé, pour le prédateur qui a inhibé le geste de le tuer. Mais cette valeur, n'étant pas limitée par un interdit, ne cesse de croître. Si bien qu'à un moment donné de l'accroissement de cette valeur, la stimulation du traumatisé est tellement élevée que sa sensibilité en devient totalement émoussée. Je ne sais pas si vous avez déjà traité des traumatisés, mais il y a des moments où leur niveau de stimulation ou de jouissance est tellement élevé qu'ils deviennent anesthésiés pratiquement. Sont plus capables de sentir la réalité. Aucune stimulation supplémentaire ne peut venir s'ajouter aux doses massives qui se sont déjà accumulées. Il y a alors chez le traumatisé un sentiment d'anesthésie et de mort par évanouissement de soi qui commence à prévaloir. Il a l'impression d'avoir été capturé par la mort ou par une léthargie profonde. C'est pour lui un état de grande angoisse devant l'éventualité de sa propre disparition. C'est là que, dans le même temps, l'inhibition du prédateur a tendance à faiblir proportionnellement à l'augmentation de la valeur de la proie. Si bien qu'à un moment donné, l'inhibition finit par tomber et la prédation se répète sous forme de cauchemar, ou dans le réel, dans une véritable prédation. Renouvelée. Donc, si vous voulez, il y a des mouvements cycliques dans le phénomène de la prédation et du trauma. Le résultat en est une atténuation importante de la valeur énergétique du traumatisé, la valeur dont il est question ici est la jouissance. C'est-à-dire que le problème, c'est que le traumatisé a une augmentation énergétique qu'il ne peut pas contrôler. Elle monte, et donc il a besoin de solliciter une très grande violence pour calmer cette augmentation énergétique là, sans limite. Il pourrait se retrouver comme dans des mouvements de violence ou de... Contre lui-même. Ok. Contre lui-même. Parce que c'est ça qu'il a besoin. C'est-à-dire son niveau, sa valeur augmente, enfin, sa valeur aux yeux des autres augmente, et il n'a aucun contrôle là-dessus. Parce qu'à un moment donné, j'avais eu quelqu'un qui avait subi une agression, puis pas longtemps, ben, il est resté là, malade peut-être 3 mois, puis vers la fin de sa maladie, il est parti en voyage avec sa blonde, puis dans un aéroport, il y a un homme qui a regardé sa blonde, parce qu'il m'a dit, parce qu'elle est très belle, puis il m'a dit, moi je suis pas un gars comme ça, mais j'ai failli me battre dans l'aéroport. Il dit, c'était comme un poêle, que... puis il comprenait pas sa réaction si intense. Ça, qui n'était pas lui, qui était probablement un retour de son traumatisme. Bien sûr. Comme trop d'agressivité en dedans. Mais c'est ça, il faut faire attention dans ces cas-là. Disons que c'est de l'agressivité, mais c'est de l'agressivité masochiste. C'est-à-dire c'est une agressivité qui est un appel à la violence d'autrui. N'importe quel événement est intéressant comme pouvant être agression contre soi. Il y a un appel à l'agression contre probablement soi. Probablement qu'on voit l'agression partout. Voilà, c'est ça. C'est parce que le masochisme est très puissant dans ces moments-là. Bon. Il y a donc un rapport étroit entre la dévoration suspendue et la production de l'énergie économique et psychologique. Bon, il existe une autre circonstance abondamment documentée, celle-là, où la dévoration suspendue a produit des doses importantes d'énergie. Il s'agit de la célèbre équation élaboré par Marx dans Le Capital et qui est à son avis la clé de voûte du système capitaliste, c'est la suivante. Alors, c'est on suppose qu'il y a une marchandise A et une marchandise B. Bon, il y a bien sûr d'autres marchandises, C, D, etc. La formule gagnante, si vous voulez, c'est que la valeur d'échange de A, c'est-à-dire en plus de sa valeur d'usage, elle acquiert une valeur d'échange. Cette valeur d'échange s'exprime comment? Dans la valeur d'usage de B. Ça, c'est la fameuse formule sur laquelle Marx a construit Le Capital, et qui nous a valu tout le mouvement communiste et le caractère très particulier du XXe siècle dépend de cette formule-là. Alors, ce qui est important de voir ici, c'est que ici, B apparaît comme valeur d'usage. C'est un produit, on va dire, c'est une tasse qui apparaît dans le système en tant que tasse qui sert à boire. C'est sa valeur d'usage. Mais cette tasse qui sert à boire n'a aucune valeur d'échange. Elle n'a pas de valeur d'échange. On ne peut pas l'échanger. Il faut qu'elle soit fétichisée, il faut qu'elle soit isolée comme ça. En revanche, elle permet à toutes les autres marchandises VE de C, VE de D. Vous voyez ? Donc toutes les autres marchandises s'expriment dans la valeur d'usage qui est B. Donc si vous voulez, B est comme un objet, si on veut, traumatisé de l'ensemble des objets qui sont échangés dans cette zone. B est le traumatisé. Et celui qui va incarner la valeur pour tous les autres, mais lui-même n'en aura pas. Donc il va être l'objet, c'est le cas de le dire, de tous les autres. Alors, en d'autres termes, la consommation de la marchandise B a été suspendue pour que son potentiel serve d'unité de mesure à la marchandise A. Donc, pour que la marchandise B puisse jouer ce rôle de représentant de la valeur pour tous les autres, il faut forcément qu'elle soit encore vivante. C'est-à-dire qu'il faut démontrer qu'elle est consommable et qu'elle n'a pas été consommée. Il faut démontrer ces deux choses. Qu'elle est consommable, donc si elle est consommable, c'est qu'elle a une valeur d'usage, mais qu'elle n'a pas été consommée. Donc, elle est encore disponible, cette valeur d'usage, pour servir de représentant de la valeur d'échange pour les autres. Donc, notre marchandise B est ici exactement dans la même situation que notre traumatisé de tout à l'heure. Elle incarne dans son entièreté, entièreté, c'est important, la valeur pour sa partenaire, la marchandise A et toutes les autres marchandises. Elle est l'être idéal sans lequel la marchandise A ne pourrait pas être une marchandise. Alors, vous vous rappelez ce qu'on a dit à propos de Freud et du meurtre du père de la Horte. Alors, lui, Freud, pour obtenir ça, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit « B a été consommé ». Un jour, et puis on a décidé de ne plus consommer le deuxième jour. C'est sa façon, lui, à Freud, de dire que B sert d'unité de valeur aux marchandises. Non, il y a aussi le fait qu'elle a été tuée. Donc, B a été tuée. B a été consommée. Et B, on dit, on va regretter, ou interdite, ou inhibée. Voilà. Ça, c'est la façon que Freud a de dire ça. Hein? Alors, on a le choix, on peut le dire comme ça, on peut le dire comme ça. Alors, nous reviendrons plus loin sur la formule de Marx qui a encore beaucoup de choses à nous apprendre. Mais contentons-nous de retenir pour l'instant qu'elle met en scène une marchandise B qui entre en jeu obligatoirement dans son entièreté. Hein, il faut vraiment qu'elle soit entière. Comme le traumatisé, ou comme ce qui se passe lorsque ce sont les regards qui s'échangent. Pour en revenir, avant de passer à ce paragraphe, peut-être pourquoi l'entièreté? Parce qu'il faut que la marchandise B soit en excellent état de marche. Hein, elle soit parce que c'est son être matériel qui incarne la valeur pour l'ensemble des autres. Donc il faut absolument que son être matériel soit en parfait état pour incarner la valeur pour toutes les autres marchandises. Donc c'est pour ça que qu'elle soit entière, qu'il ne lui manque pas de morceaux, fait partie des caractéristiques qui font d'elle une unité de valeur. Pour en revenir à l'échange des regards, nous avons rencontré une difficulté importante dans notre analyse en constatant que l'image, contrairement à l'objet, n'est pas détachable du corps. Comment peut-on dès lors imaginer que cette image puisse faire l'objet d'un échange ? Je parle par exemple de l'image du corps humain. Pour ce qui est des animaux, leurs peaux sont bien sûr détachables et échangeables depuis la nuit des temps et depuis le début du Canada français. La fonction de l'image est de tromper le prédateur. Nous avons vu plus haut combien cette fonction de l'image était majeure, en particulier dans les cas de traumatisme où elle vient à manquer. Certains usages de l'image sont assez connus, comme les danses nuptiales ou les diverses techniques de camouflage, pour qu'il ne soit pas nécessaire d'y revenir. En revanche, les fonctions de l'image reliées à l'animal totémique méritent d'être mises en valeur. On a vu plus haut le rôle important que jouait l'animal totémique dans l'hominisation et la socialisation de l'animal devenu humain. Dès qu'un certain nombre d'individus s'entendent pour ne pas chasser un animal totémique particulier, il se constitue de facto une certaine solidarité entre eux. Grâce à l'animal totémique, ils pourront entreprendre d'échanger tout ce qu'ils jugent utile de faire circuler entre eux. Concernant le regard, chaque membre de cette collectivité sait que tous les autres sont astreints à l'interdit portant sur la consommation de l'animal totémique. Pour être en sécurité dans leur collectivité, ils auront donc intérêt à arborer tous les signes de l'animal totémique. Ils auront donc intérêt à se déguiser un animal totémique. Il leur faudra se comporter eux-mêmes comme s'ils étaient des animaux totémiques, garantissant ainsi que personne de leur collectivité ne s'attaquera à eux. N'oublions pas qu'incarner l'animal totémique comporte le risque d'être dévoré et sauvé in extremis de la dévoration. En d'autres termes, du point de vue du regard, chacun sera un animal totémique pour l'ensemble de tous les autres. Ça, c'est, on ne parle pas du fait que ici, bon, c'est l'image du corps qui est l'animal totémique. Non. On parle de n'importe quel animal totémique. Hein? Quand on est dans un totem particulier, les gens du totem ont tendance à se déguiser dans les, à se déguiser en animal totémique, quel que soit l'animal totémique dont il est question. Chacun va donc se parer des attributs de l'animal totémique pour être à l'abri de la prédation de ceux de sa tribu. Et puisque tout le monde va faire la même chose pour être également à l'abri, tous les membres de la tribu vont porter les attributs de l'animal totémique. C'est ainsi que tous vont paraître porter ensemble ces attributs, mais chacun va le faire pour une raison qui lui est propre, celle de sauver sa peau de la prédation de ses congénères. Donc vous voyez ici une règle qui a l'air générale, mais qui est en fait une règle multiparticulière, c'est-à-dire je sauve ma peau en arborant les attributs de l'animal totémique, et tout le monde fait pareil, mais chacun pour sauver sa peau. Hein? Ce n'est pas une règle qui a été imposée de l'extérieur, applicable à tous les autres. C'est chacun qui, de sa propre initiative, décide de se protéger lui-même en se déguisant en animal totémique. Les tribus qui portent la peau du même animal, les hommes qui portent le même nom de famille, le même nom du père, les soldats qui portent le même uniforme, les nationalistes qui professent le même idéal, les psychanalystes qui s'identifient à Freud, se protègent les uns des autres. Ils portent la même identité pour ne pas avoir à se tirer dessus. En s'identifiant par l'animal totémique du groupe, ils tirent profit de l'inhibition de l'instinct de prédation que provoque l'animal totémique chez chacun des membres du groupe. Comme, ben je sais pas, ça peut être comme le fait, mettons, que au niveau de l'habillement, ça pourrait être considéré aussi. Tout à fait. Comme en Afrique, quand ils font les mariages, tous les membres de la même famille s'habillent pareil. C'est ça. Alors qu'ici, il ne faut surtout pas être habillé pareil quand on va dans un mariage. Ouais, ben, c'est pas l'idéal. Ça, c'est quand on est une femme, là, puis qu'on doit... Comme deux tantes qui étaient arrivées habillées pareil aux noces, une a dit, je vais aller me changer. C'est ça, mais bon, ça c'est... Mais moi, c'était l'idée en Afrique qu'ils s'habillaient pareil. Comme chaque famille, ils achètent un rouleau de tissu, puis ils font les vêtements pour toute la famille de la mariée dans une couleur. Puis la famille du marié, une autre couleur. C'est ça. C'est deux totems différents. Comme si le groupe est dans quelque chose d'appareillé, semblable. C'est ça. Mais bon, la nuance que vous apportez là, on va la voir par la suite. La nécessité d'être différent. Versus la nécessité d'être semblable Ouais, aussi. c'est ça. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à tirer de cette petite nuance. Mais on en reparlera. Bon, ces assemblées où tout le monde porte l'uniforme totémique transforment la signification de l'uniforme. Si dans un premier temps, il vise à protéger celui qui le porte comme déguisement, il se présente dans un deuxième temps comme un donné à voir, où le porteur de l'habit joue un rôle plus actif que celui seulement de se protéger des prédateurs. Il donne une image à voir, en échange de laquelle tous ses congénères vont aussi lui donner à voir la même image. Il y a là une situation en tout point comparable au repas totémique échangiste que nous avons évoqué en analysant l'animal totémique auparavant. Vous vous rappelez, j'avais dit, dans le repas totémique, on s'entredonne l'animal totémique que l'on pouvait chasser mais pas consommer. On le donne au voisin et le voisin me donne en échange. Et là, qu'est-ce qu'on se donne? On se donne l'apparence d'être l'animal totémique les uns aux autres. Mon voisin me donne cette apparence et moi je lui donne cette apparence. Okay? Donc au lieu que ce soit des échanges d'animaux totémiques, c'est des échanges d'apparence d'animaux totémiques. Durant le repas totémique échangiste, chacun donne à l'autre ce qu'il ne peut pas se donner à lui-même. Il ne s'agit pas d'objets ou d'animaux, mais d'images, dans le cas qui nous occupe. La règle logique est cependant tout aussi bien respectée, puisque l'image que l'on porte sur son corps n'est pas visible par celui qui la porte. Donc, je ne peux pas consommer ma propre image, je ne la vois pas. Elle est obligatoirement visible par un autre, sans compter que l'émotion que cette image provoque est obligatoirement celle d'autrui, puisqu'elle a été initialement construite dans le but de provoquer la double émotion chez autrui de l'attrait et de l'inhibition. Hein? L'animal totémique, son but, c'est de stimuler l'attrait et l'inhibition en même temps. Les rassemblements avec uniforme sont donc assimilables à des repas totémiques échangistes où chacun donne à l'autre ce qu'il ne peut obtenir par lui-même, à savoir une vision extérieure de la parure totémique, ainsi que les émotions qui accompagnent cette vision, que sont l'attrait et l'inhibition à la consommation. C'est l'occasion de constater qu'en français, parer et se parer veulent dire aussi bien s'orner et se protéger de quelque chose. Et parade prend la relève sur le plan collectif. Il s'agit aussi bien de parader que de faire des parades militaires. Et belliqueuse. Ces réunions où tout le monde porte les insignes totémiques de la tribu peuvent être belliqueuses, mais aussi festives, de style carnavalesque, par exemple. Il y a ici une différence notable entre l'échange de l'animal totémique et l'échange de l'image de l'animal totémique. Dans le premier cas, on peut aboutir à une consommation de celui-ci. On complète en consommant pour soi l'équivalent de l'animal totémique que l'on avait chassé pour autrui. Mais dans le deuxième cas, lorsqu'il s'agit d'un échange de données à voir de l'animal totémique, il s'agit d'un échange d'inhibition à la consommation. La difficulté tient à ce que la transaction ne peut pas être complétée. C'est possible de donner des exemples des deux. Je mélange un peu. C'est-à-dire que lorsque on échange des animaux totémiques, mon voisin me donne l'animal, je peux le consommer directement. Donc l'échange est complété. Mais s'il s'agit d'images de l'animal totémique, l'échange ne peut pas être complété. Parce que, bon, je vois chez mon voisin qu'il est déguisé, mais ça n'implique pas une consommation, ça implique une inhibition. Et là, je comprends pas. Une inhibition, là. Ben, c'est que je suis pas en... L'animal totémique, c'est un animal que je ne suis pas en droit de tuer pour le consommer. Donc, je suis inhibé par rapport à cet animal. C'est la même chose quand les uniformes dans les armées. Pourquoi on porte un uniforme? Cet uniforme-là, c'est mon collègue, je ne peux pas le tuer. Par contre, l'uniforme de l'autre armée, je peux le tuer. Hein? Donc, c'est mon totem à moi, cet uniforme-là. Il engendre chez moi une inhibition d'autant plus importante que quand je suis dans la mêlée de la bataille, il faut vraiment que je fasse attention. C'est pas... Pas se mêler. Pas se mêler, justement. Si je tue mon collègue, là, c'est pas une bonne Surtout affaire. Surtout s'ils sont des mêmes couleurs. C'est ça. Si en plus ils sont... comment ça s'appelle quand ils se camouflagent en tenue de camouflage. Hein, si tout le monde est en tenue de camouflage, on se fait mal. Mais moi, c'est comme plus compliqué, on dirait, quand on parle de l'armée, des affaires de même, c'est trop, je trouve, loin de ma réalité. Mais si on le prend entre un échange entre un homme et une femme, c'est là que je vois pas la différence d'un côté puis de l'autre. D'un coup, dans le sens que d'un côté, tu te plais puis tu as un rapport sexuel, puis de l'autre côté, tu n'en as pas. C'est ça que je comprends pas. Je comprends pas c'est quoi la différence entre les deux images. On dirait que c'est comme dans un niveau que moi, il faut que je vois dans la réalité. Là, je sais pas, j'arrive pas à faire... Je vois pas la différence. Mais je comprends avec l'armée, mais j'arrive pas à la ramener dans quelque chose là, de moins loin de ma réalité. Oui. Ben, disons que... Oui. Parce que... Mais peut-être je vais comprendre quand on oui, est dans la clinique. Dans... Là, on dirait que quand on est dans ça, moi pour moi, c'est important que ça soit lié à de la clinique, à quelque chose que je peux comme utiliser là, pour comprendre. Oui, mais ça va venir, parce que... Je comprends en gros, mais comme là, je vois pas la différence entre les deux. Dans l'inhibition, puis un cas qui a pas d'inhibition, puis l'autre qui en a une, je vois pas pourquoi. Je comprends pas. C'est comme... Oui. Y en a-tu qui comprennent, qui pourraient me l'expliquer dans leurs mots? Dans le sens, est-ce que pour vous autres c'est clair, puis ça se mâcherait avec d'autres mots? C'est confus pour vous aussi? C'est-à-dire, nous on est en train d'utiliser une règle logique. C'est que l'animal totémique inspire l'inhibition. Et donc, les gens, pour se protéger les uns des autres, se déguise un animal totémique. Dans toutes sortes d'abîmes. C'est ça. C'est juste une... une règle logique que tout le monde utilise. Là. Mais pour, c'est dans la deuxième scène, je comprends l'inhibition, mais c'est dans la première que je comprenais pas. Vous disiez il n'y a pas d'inhibition, puis après, il y a une inhibition. C'est là que je comprenais pas, moi, en tout cas. Pas grave. J'ai pas dit de. Ben, il y avait comme deux scènes là, dans ce que vous avez expliqué. Il y avait deux mouvements. Là. Deux mouvements? Ben, vous avez dit dans un premier temps, il y a ça, puis dans le deuxième temps, il y a ça. Dans le premier, il n'y avait pas d'inhibition, puis dans l'autre, il l'avait. Non. Non, je n'ai pas dit ça. Ok, j'ai compris. Dès que je parle d'animal totémique, je parle d'inhibition. Ok. Je pensais que vous aviez expliqué deux images différentes. Mais dans le fond, c'est la même image. C'est les derniers. Oui, mais disons que dans un cas, il s'agit d'un objet, et dans un autre cas, c'est l'image d'un objet. OK. Mais écoutez, ça, bon, peut-être que ça va se clarifier pour vous avec le temps, quand vous serez plus familière. Simplement, je disais ici que quand on échange des images, la transaction ne peut pas être complétée. L'échange a bien lieu, mais il ne peut pas aller jusqu'au bout. Le fait que l'objet échangé ne peut pas être détachable fait que la transaction a lieu, mais c'est comme si elle n'avait pas eu lieu. Il faut encore, en quelque sorte, la recommencer indéfiniment. Voilà. Alors, on va prendre un exemple plus proche de la clinique. Cette situation est comparable à celle que la psychanalyse décrit pour l'échange de l'objet partiel. Le modèle de l'objet partiel est le sein maternel. Hein? C'est un organe ou une partie du corps dont la personne qui la possède n'a pas l'usage. C'est-à-dire la mère, qu'est-ce qu'elle fait avec son sein? Pour elle-même, là, elle n'en a pas vraiment un usage personnel. Mais c'est pourtant un organe dont elle peut tirer grand profit en l'offrant à quelqu'un d'autre, que ce soit à son enfant ou éventuellement à son conjoint. Le sein, pour une femme, n'a aucune valeur en lui-même. Ce n'est que parce qu'il intéresse l'enfant ou le père qu'il finit par avoir une valeur pour la mère. La tradition psychanalytique considère qu'il y a quatre objets partiels, le sein, les fesses, le regard et la voix. Ces objets n'ont de valeur que si on les offre à autrui. Ils n'ont aucune valeur pour soi. L'animal totémique, comme je l'ai défini, c'est-à-dire interdit pour soi, et l'équivalent d'un objet partiel. Nous venons de voir que l'image du corps est, elle aussi, équivalente à un objet partiel. Certains objets partiels finissent au bout d'un long processus par être détachables, comme la fille ou la sœur qu'on entretient longuement avant de la donner en mariage à une autre famille. Mais la plupart des objets partiels ne sont pas forcément détachables. Bon, on va prendre peut-être un petit break pour aller remplir. Alors, là, on a établi, si vous voulez, les fondements, hein, du processus là. On avait étudié l'animal totémique, comment il pouvait servir d'instrument, d'échange à des objets qu'on pouvait effectivement se donner les uns les autres. Et là, on a abordé une particularité, c'est quand l'échange ne peut pas aller jusqu'au bout parce qu'il s'agit d'un objet partiel. Et alors, là maintenant, on va tirer profit de cette particularité qu'on a mise en valeur, le fait qu'il s'agisse d'un objet partiel, et on va observer ce que l'échange de l'objet partiel peut produire, peut créer comme structure psychique. Alors, il peut se dégager de ces assemblées où ont lieu des échanges d'objets partiels, des individus qui font les choses un peu mieux que les autres et qui finissent par polariser les regards par leur habileté à la guerre ou à la chasse, ou tout simplement par leur art du déguisement. Les chefs, les sorciers ou les généraux qui finissent par porter la charge qui était jusque-là posée sur les épaules de chacun, celle de diriger, de combattre, de chasser, mais surtout la charge d'incarner l'animal totémique. Dès qu'ils réussissent à centraliser sur eux l'intérêt, les autres membres de la tribu n'ont plus qu'à porter un signe plus modeste, une métonymie de l'animal totémique, au lieu d'avoir la charge de le mimer de façon totale. Les échanges bipolaires d'images de l'animal totémique deviennent dès lors désuets pour céder la place à une structure pyramidale. Le chef est celui qui mime le mieux l'animal totémique, ce qui lui donne plus de force et de courage que les autres. Les personnages mythiques qui sont accompagnés d'animaux ne sont pas rares dans la mythologie. Ils sont sans doute les héritiers de ce premier chef. De ce qu'il doit incarner l'animal totémique pour tous les membres du totem, mais le sorcier ou le prophète dans la situation de revivre l'inquiétude propre à tout animal totémique, c'est-à-dire d'être menacé de dévoration et sauvé in extremis de cette dévoration. Donc le sorcier ou le prophète doit vivre cette inquiétude pour lui-même, mais aussi pour tous les autres membres du totem pour lesquels il simule ou incarne l'animal totémique. Dans l'homme Moïse et la religion monothéiste, Freud estime qu'il y a eu deux Moïse. Un premier qui était égyptien et qui a été tué par les Hébreux, puis qui a été remplacé par un Moïse madianite. Cette idée correspond au mythe du père de la horde qui est tué puis remplacé par un plus que frère qui instaure la loi. Peut-être que ici je fais une petite digression. Je vous ai dit qu'il y a deux façons de formuler les choses. Il y a la façon simplement économique, mettons, hein, de la formuler, et la façon mythologique. Tuer, consommer, inhibition à la consommation. Alors, Freud, en introduisant le Moïse égyptien, qui est celui qui a été tué, et le Moïse madianite, qui est celui qu'on a intériorisé à l'intérieur, il répète le même système. Cette conception du prophète comme ayant été tué, puis remplacé par un autre, qui rejoint d'ailleurs en ce sens le christianisme, est vraisemblable, mais n'est pas indispensable à la compréhension des faits. Et on peut comprendre les faits d'une façon mythologique, mais aussi on peut la comprendre autrement. Il faut mettre en évidence le fait que le prophète, en tant qu'unité de mesure de la valeur, est consommable, mais non consommé. On peut le faire, soit comme l'a fait Freud, en passant par le meurtre, puis la consommation, puis la résurrection, soit en passant par la menace de mort ou la menace de consommation qui ne se réalise pas. Hein? On a vu que pour que B devienne une unité de valeur, il faut que elle soit traumatisée, il faut que B soit traumatisée. Hein? Moi, ma version des faits, c'est de dire que B doit être traumatisé. C'est-à-dire qu'on doit le menacer de mort et s'interdire de le consommer. Hein? Et là, il devient... Mais pour Freud, ce n'est pas suffisant de menacer. Il faut vraiment tuer. C'est peut-être ça la nuance. Hein? Donc on peut le faire soit comme l'a fait Freud, en passant par le meurtre puis la résurrection. En fait, ça je viens de le dire. Curieusement, cette structure pyramidale où le prophète joue l'animal totémique pour tous les membres du totem ressemble à s'y méprendre à celle que nous décrit Freud dans son ouvrage Psychologie collective et analyse du moi. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce texte, Freud parle là-dedans de l'identification où tous les membres du groupe, si vous voulez, prélèvent un aspect du chef pour l'adopter pour eux-mêmes. Donc il y a une... Pour Freud, si vous voulez, on ne pas mélanger avec l'autre partie du dessin, pour Freud, il y a une identification qui va de haut en bas. Freud décrit à travers cette pyramide la structure de l'identification. Tous les membres du groupe arborent un trait particulier. Un Einzigerzug. Qu'est-ce que c'est Einzigerzug? ça vient de Ein. Ein qui veut dire A. Hein? C'est-à-dire c'est un trait unaire. C'est comme ça que Lacan a traduit Einsiedlerzug, un trait unaire, un seul trait. Alors, pour Freud, donc, le groupe prélève un trait et l'adopte. C'est ça l'identification. Par ce geste, que Freud nomme une identification, il constitue un groupe. Dans les cas qui nous occupent, les choses se passent de façon inverse. Le groupe est déjà constitué et chacun est déjà affublé d'une tenue apparente simulant l'animal totémique pour se protéger de l'appétit de ses congénères. Le chef apparaît logiquement à partir de ses éléments de base comme celui qui simule le mieux l'animal totémique ou celui à qui l'animal totémique prodigue le plus de courage en raison de son habileté consommée à l'imiter qu'on ne peut attribuer qu'à une sorte de parenté qu'il aurait avec lui. Donc, en réalité, ce que moi je dis, c'est que le chef, l'identification, si vous voulez, se passe en sens inverse. C'est-à-dire que tous les membres du groupe sont déjà déguisés en animal totémique, mais le chef s'empare de ce déguisement et le simule beaucoup mieux que les autres, si bien que les membres du groupe n'ont plus besoin d'avoir tout le déguisement, il leur suffit d'avoir seulement un seul trait du déguisement. Voilà, écoutez. Donc, le chef qui se déguise bien mieux que les autres dispense les autres de compléter leur accoutrement. Il leur suffira d'arborer un seul trait, le trait unaire de cet accoutrement, pour se trouver protégés, comme s'ils étaient totalement déguisés. Ils savent que chacun qui verra ce trait unaire de leur tenue pensera au chef qui emporte la totalité et seront dès lors saisis de l'inhibition escomptée. Si un chef fait régner la discipline dans ses rangs, ce n'est pas parce qu'il est le plus fort, c'est parce qu'il incarne le mieux l'animal totémique qui, lui, inspire l'inhibition. Si un chef a une tenue beaucoup plus attrayante que ses fantassins, c'est parce qu'il s'habille comme eux, mais mieux qu'eux. Il s'efforce d'être mieux que ses soldats en les imitant. Ce ne sont pas eux qui l'imitent. Il n'est pas en position de père, il est en position de frère. C'est ça que je veux mettre en valeur. Ce n'est pas un père, c'est un frère. Si nous consentons néanmoins à nommer cette situation une identification, elle apparaît plus complexe que celle décrite par Freud. Elle consisterait à dire que chacun, en poursuivant son propre intérêt, qui est celui de se protéger de la prédation, construit un pôle central qui contribue au bien-être de tous. L'identification analysée en ces termes devient une structure ascendante-descendante. Le chef s'est dégagé d'une structure multiduelle et centralise ce faisant cette structure. Chaque membre de la base peut se prévaloir dès lors de son chef pour se protéger. Donc vous voyez à peu près le processus. On a des structures multiduelles, c'est-à-dire où deux à deux, on est déguisé en animal totémique pour se protéger de la prédation l'un de l'autre. Et puis, cette structure multiduelle se centralise grâce à l'apparition d'un prophète ou d'un sorcier, si bien que ce sorcier, en assumant le déguisement total de l'animal totémique, dégage les autres membres de la charge d'être totalement déguisés et seulement un petit insigne, un petit macaron suffira pour assurer leur protection. Vous voyez? Donc il y a un mouvement multiduel, centralisé, allégé. Vous voyez, à peu près. Il y a donc dans l'identification un double mouvement. Le premier, projectif, crée une métaphore de la collectivité, qui est l'image de l'animal totémique, qui s'incarne dans le chef. Puis un deuxième mouvement, qui ramène vers chacun des membres de la collectivité un morceau de cette métaphore. Ce morceau est donc une métonymie de la métaphore. Donc ici, le chef est une métaphore et le petit macaron que chacun porte est une métonymie de cette métaphore. Okay? La métaphore est une image totale et la métonymie est une petite partie de cette image totale. La puissance du chef, son pouvoir ne vient donc nullement de sa force, mais de sa capacité à maintenir la cohésion des troupes, sa capacité à leur rendre préférable leur congénère à tout autre étranger. C'est important ça. C'est grâce au chef qu'il se forme un groupe. Et le groupe c'est quoi? C'est « je ne dois pas tuer mon voisin, je préfère mon voisin » à celui qui est de l'autre côté de la barrière. Okay. Donc, ils détournent leurs élans belliqueux vers l'extérieur du groupe. Chaque membre de la tribu, en arborant qu'un seul indice d'appartenance au totem, renonce à assurer sa propre protection en la confiant au nouveau chef. C'est-à-dire le fait qu'il a ce chef le dispense de se protéger de ses congénères. Quand il est à l'intérieur de ce groupe-là, il n'aura pas à se protéger. Chaque membre, la vie et la mort n'ont plus de sens pour lui puisqu'il a confié tout ce qui concerne ces questions au chef. Il pourra aller à la mort sans la craindre puisqu'il est assuré par le chef d'avoir la vie sauve. Hein? On peut faire bien des choses dans ces circonstances. Ce qui est intéressant à noter ici, c'est qu'on est passé d'une situation multiduelle à une situation centralisée, tout en demeurant dans une dynamique d'objet partiel. Au lieu que chacun donne à son voisin son image objet partiel, c'est le sorcier ou le prophète qui donne son image objet partiel à l'ensemble des membres du totem. On pourrait parler d'une situation duelle centralisée. Voilà, on vient de faire 2 heures de travail. On va peut-être prendre un petit break. Bon, alors là, je vais vous parler de comment naît Dieu. Il y a une difficulté qui se présente pour le chef, donc le sorcier dont je parlais. C'est qu'il est regardé et vu de toutes parts. Il incarne pour tous l'animal totémique que personne ne peut attaquer. Il doit stimuler les inhibitions de tous. Il est en revanche incapable de se trouver lui-même un inhibiteur. Toute inhibition passe par le regard qu'on pose sur lui comme référence. Donc, il est dans la position de la marchandise B, qui a une valeur d'usage, mais qui n'a pas de valeur d'échange. Il est l'instrument de l'inhibition de tous les membres de la communauté, mais lui-même, il ne trouve pas quelque chose qui puisse l'inhiber. Donc il est comme le traumatisé chez lequel les niveaux énergétiques peuvent monter là, à des niveaux stratosphériques sans que rien puisse le contrôler. Or, il ne peut se regarder lui-même en ces circonstances où l'image de soi n'est pas encore apparue. Il lui faut dès lors une référence ultime qui permette de faire circuler les regards. Si le chef est regardé par ses troupes et qu'il ne peut pas les regarder en retour, rien ne lui interdit de s'inventer un tiers qu'il pourra regarder. Regarde le sorcier prophète, mais son problème, c'est que lui ne peut pas regarder le peuple parce qu'il doit incarner pour eux l'animal totémique. Donc le peuple ne peut pas l'aider à se contrôler. Alors, ce que fait le prophète, c'est qu'il s'invente un tiers qu'il pourra regarder lui. On va dire, on va l'appeler un tiers. Ce tiers ne peut pas être vu par le peuple simultanément. Pourquoi? Parce que, advenant le cas que le peuple voit le tiers, il aurait des qualités inhibitrices sur le peuple, équivalentes à celles du chef. Il deviendrait chef à la place du chef et perdrait ses qualités de tiers. Le chef serait à nouveau sans tiers, comme dans le cas précédent. Donc, le tiers doit absolument être invisible au peuple. Ce tiers est en fait un dieu, puisqu'il doit être invisible au peuple. Hein, donc, c'est un dieu qui sera sollicité par le chef, avec lequel Seul le chef aura un rapport direct, puisque la vision du chef sur le Dieu doit obligatoirement être impliquée. Donc, le sorcier et le prophète, lui, il voit Dieu, mais il est le seul à le voir. Moïse, sur le mont Tabor, recevant directement l'étape de la loi, par exemple, ou Mahomet, se faisant directement dicter le Coran par l'ange Gabriel. Alors, la tâche de ce Dieu est de compléter le trajet du regard en le portant sur les membres du groupe. Pourquoi ? Parce que ce Dieu, lui aussi, il a besoin d'être inhibé. Ce Dieu, lui aussi, il est pris dans une situation où il peut être hyper stimulé comme le prophète. Alors, le peuple, sa tâche sera d'inhiber le Dieu. Donc, alors, le peuple regarde le chef regarde le Dieu, et finalement, le Dieu regarde la tribu. Tant qu'on est dans la dissymétrie propre aux oppositions de signifiants, comme c'est le cas ici, entre regardant et regardé, il faut obligatoirement passer par un tiers pour obtenir une certaine forme de réciprocité. C'est-à-dire pour qu'il y ait un retour du regard, il faut passer par deux pôles. Hein? Je ne peux pas passer par un pôle et retour. Parce que c'est dissymétrique. La dissymétrie oblige obligatoirement de passer par plus qu'un pôle. Parce que je ne peux pas avoir d'aller-retour. Si j'ai un aller-retour, j'aurai une symétrie. Comme je suis dans la dissymétrie, puisque je suis dans les oppositions de signifiants, celui qui regarde et celui qui regardait sont obligatoirement différents. Donc, j'ai besoin de au moins trois personnes. Je peux en avoir plus que trois, mais j'ai au moins besoin de trois. Dans la relation triadique qui s'instaure entre le peuple, le chef et Dieu, le guide inhibe le peuple, Dieu inhibe le guide, et enfin, il revient au peuple d'inhiber Dieu. Le Dieu est celui qui regarde et qui écoute. Une relation intime s'instaure avec lui, entre le peuple et Dieu. Tout doit être fait par l'image, la parole, le goût et l'odorat pour apaiser Dieu, lui insuffler l'inhibition que tout le monde a contracté dans la tribu. Parce que, bon, chez les chrétiens, il y a un Dieu, chez les musulmans aussi, il y a un Dieu clément et miséricordieux, mais ça n'a pas toujours été le cas. Dieu, dans le temps, il pouvait être très féroce. Et il fallait quelquefois le nourrir avec des enfants ou des sacrifices humains ou des choses comme ça. Ce lien avec Dieu doit pouvoir assumer la plupart des situations problématiques sans se déliter. C'est-à-dire que le peuple doit garder ce lien avec Dieu, quel que soit ce qui lui arrive. Il faut qu'il continue à garder confiance en Dieu, sinon c'est le désastre. En particulier les situations de guerre où on a plus de mal à obtenir son apaisement puisque ce qui est supposé, c'est qu'il a autorisé la survenue de la guerre et que tous les sacrifices consentis pour obtenir son inhibition n'ont pas suffi. Il a envoyé la guerre parce qu'il veut encore dévorer des enfants de la tribu. Alors, il faut vraiment envoyer des sacrifices préalables à la guerre pour éviter la guerre. Si vous connaissez ce roman qui s'appelle Salammbô, qui se passe dans Carthage, du temps des guerres puniques, où Carthage est assiégée par les troupes de mercenaires de Carthaginois qui n'ont pas été payés depuis longtemps, etc. Donc, ils menacent Carthage. Et alors les Carthaginois, pour se sauver de ces exigences-là du dieu qui a envoyé les mercenaires leur faire du mal, eh bien, ils sacrifient des enfants, les premiers-nés des familles. Donc, pour apaiser la colère divine. Pour ceux qui ont lu la Bible, rappelez-vous ces nombreux passages où Yahvé autorise les Philistins à nuire aux tribus de Juda parce que les Juifs se sont montrés coupables de quelque chose. Alors, Dieu leur envoie les Philistins pour les punir. Alors, les Juifs sont obligés de sacrifier d'envoyer des parfums, des nourritures, des choses à Dieu pour le calmer. Parce que c'est lui qui manipule les Philistins, personne d'autre. C'est lui le... C'est parce qu'il est en colère contre son peuple qu'il fait ça. Au point où nous en sommes, on pourrait, en gardant le cap de la logique, supposer à ce Dieu des attributs auxquels nous ne sommes pas tout à fait habitués en tant que fidèles enfants du monothéisme. La logique de notre construction pourrait en effet nous faire attribuer à ce Dieu un appétit vorace, terriblement difficile à contrôler, en tout point comparable à l'appétit de ses fidèles pour l'animal totémique. Donc tout le monde a de l'appétit ici, y compris Dieu. Le peuple a de l'appétit, mais ce qui compte, c'est pas de pas avoir de l'appétit, c'est avoir de l'appétit, mais que cet appétit soit inhibé. C'est ça qui est important. Donc ce Dieu a un appétit vorace, terriblement difficile à contrôler, qui est très différent du Dieu bienveillant auquel nous a habitué le christianisme. Un prédécesseur de Yahvé, qui s'appelait Baal Moloch, avait un tel appétit que sa gueule en était devenue un véritable brasier, qu'il fallait régulièrement alimenter avec de la chair humaine, et plus particulièrement avec la chair des premiers-nés. L'avidité des dieux pour la chair peut se limiter à de la chair d'animaux dans des sacrifices odorants et appétissants, sans compter que l'avidité divine ne se limite pas à la chair et s'étend à tous les sens. L'odorat, excepté peut-être celui du toucher, parce que on ne peut pas toucher ou se laisser toucher par Dieu. Dieu est avide de voir, d'entendre, de sentir, autant que de goûter. Et donc notre job à nous, le peuple des fidèles, c'est de donner à voir, donner à entendre, donner à sentir et donner à goûter à Dieu. Dans le schéma ci-contre, il est impossible au regard d'être symétrique. Il est impossible que celui qui est regardé puisse regarder à son tour. La symétrie n'est pas encore installée dans le système. Pour qu'un groupe humain puisse regarder et être regardé, il faut passer par ce subterfuge où le guide regarde un Dieu qui, à son tour, complète le circuit en regardant le peuple des fidèles. Il y a un retour sur soi du regard en passant par deux étapes. Il revient en revanche à celui qui est regardé de se donner à voir, à entendre, à sentir et à goûter. C'est-à-dire que il y a au fond deux attitudes qui sont distinctes. Je vois, j'entends, je goûte, je sens d'une part. Et d'autre part, je donne à voir, je donne à entendre, je donne à goûter, je donne à sentir. C'est deux opérations distinctes. C'est la première opération, celle qu'on attribue à la conscience, celle de voir, d'entendre, de sentir, de goûter. Et dans la clarté, si vous voulez, l'autre opération, celle qui consiste à donner à voir, à entendre, à goûter, à sentir, etc., elle est dans l'ombre, dans l'obscurité. Elle n'est pas dans le physique, elle est dans le métaphysique, parce qu'elle s'adresse à Dieu. Le rêve que je fais la nuit est un donner à voir et à entendre à Dieu. La prière que je fais est un donner à voir et à entendre à Dieu. Alors, quelle que soit la forme que prend ce rapport, il importe de signaler qu'il est essentiellement imaginé par le peuple dans un au-delà du sensible. C'est-à-dire qu'il y a là une barrière, une barre, si vous voulez, qui est ici. Et de ce côté de la barre, il y a le physique. Et juste de l'autre côté, il y a le métaphysique. Il y a les choses qu'on peut voir, entendre, et les choses qu'on ne peut pas ni voir, ni entendre, ni goûter, ni sentir. Le peuple ne peut voir Dieu et ne peut donc voir le guide en présence de Dieu. Quand Moïse est monté sur le mont Tabor et qu'il a vu Dieu, le peuple ne pouvait pas le voir. Hein? La façon dont le peuple imagine ce rapport qui lui est inaccessible fait partie des déterminations de ce rapport. Il s'agit pour ce peuple d'une sorte de scène primitive. Hein, c'est exactement la même structure que la scène primitive, dont dépend tout son être. Selon ce qu'il sera, ce qu'il voudra savoir de ce rapport, beaucoup d'éléments de sa vie collective vont découler. On se rappelle par exemple que quand Moïse était monté sur le mont Tabor, les Juifs, ils en avaient fait à leur tête. Hein, ils avaient inventé le veau d'or, puis ils ne voulaient rien savoir de la scène primitive qui se passait en haut. Hein. Et puis quand Moïse est redescendu, ben, ils engueulaient. Puis, le guide est, dans son essence, marqué par la totalité. Hein. Et c'est lui qui porte la totalité de la vie de l'animal totémique. Il doit incarner aussi bien la totalité de l'image de l'animal totémique que la totalité de la collectivité marquée par cet animal totémique. On pourrait dire qu'il est l'image ou la métaphore en forme d'animal totémique de cette collectivité. Il est métaphore. Il est saisi par la nécessité de demeurer immobile dans une position erratique comme reflet d'une collectivité mouvante. On peut comprendre l'inconfort qu'implique une telle position, surtout que s'ajoute à elle un aveuglement obligatoire qui découle de la dissymétrie du regard. Étant regardé, il ne peut pas voir ceux qui le regardent. Et comme il incarne la totalité, il ne voit rien d'autre. Hein? Il est la totalité. Donc, il n'y a rien d'autre que lui. Donc, il ne peut rien voir. C'est pour ça que quand les traumatisés, qui sont des prophètes, vivent leur traumatisme, ils s'isolent, ils ne voient plus rien, ils ne veulent voir personne. Hein, c'est Freud a appelé ça que les investissements pulsionnels reviennent à leur origine qui est le moi. Hein, c'est ça que Freud dit. En réalité, ils sont l'incarnation de la totalité pour le prédateur. On ne sait pas qui est ce prédateur. Alors le traumatisé, il s'enferme parce qu'il n'y a que lui. Il est l'incarnation de la totalité. Le fait de ne pouvoir rien voir a son importance. L'expérience historique démontre que c'est souvent dans les déserts ou dans les cellules monastiques, dans ces lieux où on ne voit rien, que les dieux ont été inventés ou réinventés. Il s'agit pour le guide de sortir de sa prison d'aveuglement pour imaginer quelque chose de forcément transcendant dont la vue lui serait donc réservée. Donc, le guide, ou le prophète, ou le sorcier, il incarne la totalité. Donc, il ne peut rien voir. Donc, s'il voit quelque chose, ce quelque chose est forcément au-delà du physique. Il est obligé d'inventer quelque chose qui est de l'ordre du métaphysique. Donc il est obligé d'inventer Dieu. marrant quand même. Quel job. Il lui faut aussi démontrer d'une façon ou d'une autre qu'il a aperçu quelque chose de transcendant qui va se refléter sur lui et le transfigurer en somme. Et il faut que, s'il invente Dieu, il faut qu'il apporte une preuve tangible de ce qu'il a rencontré Dieu. Autrement, personne ne va trop le croire. Bon, il y a beaucoup de preuves qui sont apportées. Une de ces preuves est la transfiguration et l'effet que Dieu a eu sur lui, la transfiguration. Il doit donc, autant que possible, faire naître une nouvelle apparence ou un nouvel objet qui viendrait se substituer ou se superposer à la sienne. Donc, si la preuve de l'existence de Dieu, c'est une nouvelle image, il va être transfiguré. Mais si la preuve de l'existence de Dieu, c'est un nouvel objet, il va amener cet objet avec lui. Bon, Moïse, qu'est-ce qu'il a amené? Il a amené les tables de la loi. Mahomet, qu'est-ce qu'il a amené? Il a amené le Coran. Et aussi bien l'un que l'autre, on dit que les tables de la loi étaient dictées par Dieu et le Coran était dicté par Dieu. Donc, ce sont des règles qu'il n'est pas possible de modifier puisque elles sont divines. Une façon de détourner le regard du peuple sur autre chose que sa position hiératique, comme pour soulager la pression. Donc au lieu que je sois seulement le symbole de la communauté, il y a cet objet métonymique, le Coran, l'étape de la loi, ou ma transfiguration, qui est une sorte de supplément à moi-même qui me vient de Dieu. Cette nouvelle apparence dépendrait forcément de l'être transcendant qu'il est seul à voir. Ce schéma triangulaire est en tout point comparable à celui de Freud qui décrit le rapport père-mère-enfant qui équivaut à Dieu, guide et peuple. Hein, on peut... Père, mère... Vous voyez pourquoi le père est toujours absent, parce que c'est que la mère qui a le droit de le voir. Hein, c'est... Non, c'est ça. Mais l'enfant, il veut son père, la réalité. Oui, mais ce n'est pas ce père-là qu'il voit. C'est ça, le okay. On verra comment le père peut changer de nature, ou Dieu peut changer de nature à un moment donné. Mais ce père dont on parle ici, c'est celui de l'objet partiel. On est encore dans l'objet partiel. Alors, bon. Donc, aussi bien le Coran, les tables de la loi ou Jésus-Christ sont équivalents au phallus qui s'instaure dans cette relation triangulaire. Très bien. Alors n'oublions pas que donc le prophète Moïse a dit, bon, j'ai reçu l'étape de la loi. L'étape de la loi ne sont pas du côté métaphysique, elles sont du côté physique. Le Coran, il est aussi du côté physique. Le phallus, parce que la preuve que la mère est en contact avec le père, c'est le phallus. Donc le phallus, il est à la place du Coran, des tables de la loi. Mais si on se transporte du côté chrétien, on a ici le Christ. Bon. Pour le Christ, c'est quoi l'objet métonymique, hein? C'est ça qui est particulier. Pour le Christ, l'objet métonymique, curieusement, c'est aussi le Christ. Il y a, et c'est ça l'astuce de la religion chrétienne, c'est que le prophète et l'objet métonymique sont une seule et même chose. Mais ici, c'est le Christ humain, et ici, c'est le Christ divin. Hein? Donc, le christianisme a adopté, ou est issu, de cette structure triadique, mais il introduit une petite exception qui aura un impact énorme. C'est que le prophète et l'objet métonymique sont une seule et même chose avec deux natures, une humaine et une divine. Comme Jésus, puis... Jésus humain et Jésus divin. Le christianisme a beaucoup hésité pendant 5 siècles de savoir... Jésus-Christ, il était quoi? Il était un humain qui s'est divinisé ou un Dieu qui ne s'est jamais humanisé, qui a fait semblant ou qui s'est vraiment... Ou... Et ce qui a réglé le problème à peu près définitivement, c'est le concile de Chalcédoine. En 451 après Jésus-Christ, qui a établi que Jésus-Christ c'était une seule et même personne avec deux natures qui sont identiques mais qui sont néanmoins distinctes et qui ne peuvent pas être dissoutes l'une dans l'autre. La nature humaine et la nature divine. Voilà. Je pense que... Ce modèle-là, comme tel, il vient d'où? C'est votre modèle. Ça, je me demandais. Oui. C'est votre compréhension à vous de cette organisation. C'est le fruit de nombreuses années, voire de décennies de réflexion. Mm-hmm.